Et donc, Till, il veut pas qu'on parle trop de lui, mais en gros, il se définit, il est artiste, jardinier, conteur et berger. Voilà. Après, vous voulez en savoir plus sur ses activités, on peut taper son nom sur Internet, on voit un certain nombre de choses. Notamment, il y a maintenant, ça remonte peut-être à une dizaine d'années, il y a eu un travail qui a été fait sur Proudhon, avec notre ami qui s'occupait du CIRA, qui s'appelait Gilbert, entre autres, et Stéphane, alors deux décédés. Je sais pas si c'est... Il faut peut-être faire attention avant de faire des films avec Donc c'était sur Proudhon, des textes de Proudhon, qui étaient lus autour de la porte d'Aix, et face aux gens qui étaient là, et ça donne un petit film qui est ouais, je sais pas si on peut le dire sympa, enfin moi j'aime bien. Et je vous conseille de le regarder, vous tapez Till, Roskens et Proudhon, puis on doit tomber dessus, je pense. Donc aujourd'hui, c'est cette proposition, il y a un ou deux mois, on en parlait, puis il a dit, je peux faire... on a eu une lecture de texte d'Alexandre Marius Jacob, que vous connaissez peut-être. Et bon, la formule lecture est bien, parce qu'on rentre vraiment au cœur du sujet. Puis après, on peut, plutôt que de faire la biographie de la personne, tout ça... Donc là, Tim nous a dit, je suis en train de travailler, de lire Gustave Landauer. Donc Gustave Landauer, c'est en gros c'est un révolutionnaire anarchiste allemand. Si vous voulez en savoir plus, on a un spécialiste dans la salle qui s'appelle Lou Marin et qui est là et qui pourra approfondir. Mais pour l'instant, on va rentrer dans le cœur du sujet. Donc c'est dire oui, non. Moi, je vais introduire un petit peu. Ah bah, tu as une introduction, oui, j'aurais pu te demander avant. Donc si tu as une introduction, là, c'est parfait. Et puis, je te laisse la parole, je vais parler. Non, si, je vais juste vous dire que le CERA, c'est essentiellement une bibliothèque. Donc on a sorti des livres de la bibliothèque et notamment une thèse. On fait ça à consulter sur place, les livres, les membres du CERA peuvent les emprunter. Et en librairie, on n'a pas de bouquins de Landauer, mais on a des gens un peu de sa mouvance, la Clara Wichmann et Fritz Oerter. Et oui, alors ça aussi, c'est des très beaux numéros. Alors, ça doit être en ligne, ça. Hein. C'est la revue à contre-temps, c'est une des meilleures revues anarchistes de ces dernières années, qui n'existe plus, mais les textes sont en ligne, et donc un numéro spécial Landauer avec les mots. Merci. Heureusement qu'il y a plein de gens qui savent tout. C'est Marc qui est devant toi. C'est Marc, je vais... Non, c'est Marc. C'est Marc. Merci, Philippe. Merci à vous. Il faut que je revienne moi-même pour regarder tous ces livres-là que je ne connais pas. Je vais dire quelques mots sur Landauer et puis quelques mots sur le pourquoi de cette tentative de partage. Donc, Gustav Landauer est né en 1870. Son père, juif allemand, avait un magasin de chaussures. Il a fait des études de lettres et de philo. Il a atterri assez vite à Berlin et... À 20 ans, il a rejoint un cercle de poètes qui étaient déjà dans des choses assez communautaires. À 21 ans, il a rejoint un groupe politique qui s'appelait le Cercle des Socialistes Indépendants, qui un an plus tard s'est scindé entre une aile socialiste et une aile anarchiste, deux choses que Landauer a toujours essayé de tenir ensemble en fait. Il a écrit dans leur revue, il a été rédacteur de leur revue assez rapidement. Il a été emprisonné assez rapidement, à 23 ans, pendant 9 mois, pour incitation à la désobéissance et à la rébellion pour ce qu'il écrivait. En prison, il a lu... entre autres choses assez surprenantes, les textes de Maître Eckhart, qui était un mystique de la fin du Moyen-Âge, et qui a nourri la pensée de Landauer, qui est vraiment une sorte d'anarchisme spirituel, assez hors de tout, de ce que je connais. Ensuite, il a vécu assez chichement toute sa vie de petit boulot dans l'édition, de traduction. Il a traduit pas mal Shakespeare. Assez conséquent. Et, il a passé quelques années à Londres. Il a fréquenté Kropotkin, entre autres. Il est revenu à Berlin. Il a fréquenté plusieurs colonies végétariennes, anti-autoritaires, artistiques, autour de Berlin, qui étaient assez nombreuses dans ces années-là. Il a été résolument pacifiste tout au long et dès le début de la Première Guerre mondiale. Et à la fin de la Première Guerre mondiale, il a été appelé à Munich par le premier président élu de la République des conseils révolutionnaires qui s'était mis en place à Munich et qui a déclaré l'indépendance de la Bavière et enfin tous ces... Ces tentatives qui ont assez vite échoué. Et, donc au printemps 1919, il a été fait prisonnier par les corps francs qui étaient un peu le début des mouvements fascistes en Allemagne, qui ont écrasé cette révolution. Et puis il a été assassiné en prison quelques jours plus tard. Voilà, en bref. Alors, pour moi, cette tentative de partager ça fait effectivement suite à des fréquentations ponctuelles que j'ai eues, comme ça, de textes anarchistes. Et donc il y a eu quelques années cette rencontre avec le texte « Qu'est-ce que la propriété » de Proudhon, qui a été un moment important pour moi. Il y a eu... Salut. Il y a eu quelques temps plus tard une tentative de raconter des choses autour d'une autre conception de la monnaie franche, de théorie de Silvio Gesell. Et en découvrant Landauer, j'ai vu qu'il était fan des deux, je ne le savais pas avant. Et, donc il y a une sorte de fil comme ça. Et il y a 2-3 ans, j'ai essayé de... J'avais fait une soirée autour de projection de films d'occupation de terre qui va aussi dans le fil de ce qui m'intéresse chez Landauer, que lui j'ai découvert assez récemment, il y a un peu plus d'un an, chez un ami. Alors il y a une citation de Landauer dans à nos amis du comité invisible, dans le chapitre sur les communes, que je trouve très beau, mais ce n'est pas cette citation-là qui m'a interpellé. Chez un ami, j'ai vu un livre qui s'appelait « Désert », un livre américain, « Desert », et qui parlait de comment penser l'émancipation en milieu hostile, disons, c'est-à-dire comment... en faisant le constat d'un monde qui semble plutôt s'enfoncer qu'aller vers des lendemains meilleurs, et un capitalisme qui semble ne pas en avoir fini de ravager la planète, comment comment aller vers vers une libération désirable, tout en prenant acte de cet état-là du monde, dans une sorte de malgré tout. Et je trouve que Landauer est effectivement un penseur du malgré tout. Donc c'est dans ce livre-là qu'il y avait une citation, je me suis dit, tiens, qui c'est ? J'ai noté le nom, je suis allé voir sur Internet, et donc j'ai trouvé cette collection d'articles, effectivement, sur Internet, là, à contre-temps. Et puis j'ai lu en allemand d'abord un texte qui s'appelle « Appel au socialisme » que j'ai eu du mal à trouver en français, qu'on ne trouve pas en ligne, que j'ai finalement, dans une note de la bibliographie de « À contre-temps », j'ai vu que quelqu'un avait publié ce texte dans une revue en France, dans une revue assez obscure qui s'appelait c'est quoi déjà « Discontinuité ». J'ai écrit à l'adresse postale du monsieur qui m'a répondu « Oui, envoyez-moi un chèque, mais ça va mettre quelques temps, il faut que je fabrique un exemplaire de la revue. » Et donc je l'ai reçu quelques temps plus tard. Et donc je vais vous lire en deux temps. En premier, petit tour d'horizon de sa pensée par tout petits fragments pris dans différents textes qui sont en partie regroupés dans cette revue et en partie aussi d'autres textes, des articles trouvés en allemand que j'ai traduits. Et donc là, c'est une petite dizaine de minutes comme ça, de première petite plongée. Et puis, pour ceux qui voudront en entendre plus, c'est là ensuite une plongée un peu plus en profondeur de ce texte majeur qui s'appelle « Appel au socialisme ». Qui date donc de 1911. Les articles, ça commence vers 1895, ça va jusqu'à 1915, je crois. Alors, sur l'appel au socialisme, là, vous avez le texte en entier, là, c'est vraiment un truc assez long. Moi, la lecture que je ferai là, ce sera genre trois quarts d'heure, et c'est peut-être un dixième du texte. Il faut dire que autant je trouve Landauer pour moi vraiment plein d'intuitions lumineuses, autant il est presque illisible aussi, c'est-à-dire il est très fleuri, avec un lyrisme vraiment exubérant des fois, et assez brouillon, des allers-retours, donc j'ai vraiment essayé de ciseler, de couper, de raboter pour arriver à ce qui me semble un peu l'os de la chose pour moi. Dernière petite remarque terminologique. Dans ces textes, dans ce que j'ai trouvé traduit, il y a toujours le mot « homme » pour dire l'être humain. Voilà. Qui est une traduction classique française, quoi, pour le mot spécifique qui existe en allemand. Et moi, j'ai essayé à un moment donné de tout remplacer par humain, mais ça sonnait un peu bizarre. Donc, c'est l'homme. Et je m'excuse auprès des féministes. Voilà. Les fragments d'abord. Quand nous allons, pour nous-mêmes, contre et au-devant des choses, nous le faisons pour l'amour du chemin à parcourir. Notre mouvement vient des siècles passés et s'étend vers les siècles futurs. Nous voulons créer la forme fondamentale d'une nouvelle et véritable société. D'une société socialiste, libre et sans État. Cette forme, c'est la commune. La commune, et la fédération de communes. Le socialisme tel que je l'entends n'est pas une doctrine achevée, mais d'abord une révolte du sentiment et de la volonté contre l'injustice, l'absurdité et la laideur. Puis un élan en direction de la justice, de l'entente sensée et d'une vie commune joyeuse. Le socialisme est le retour au travail naturel, à la combinaison naturelle et variée de toutes les activités. Le retour à la communauté du travail spirituel et du travail physique, du travail artisanal et du travail agricole. Il est aussi le retour à l'union de l'enseignement et du travail, du jeu et du travail. L'ouvrage qui nous attend est tel qu'il ne saurait être décrit. Nous sommes peu nombreux et chacun d'entre nous voudrait pouvoir se démultiplier, voudrait que les journées aient plus de 24 heures pour avoir plus de temps, voudrait avoir 100 bras pour intervenir partout à la fois. De tous côtés, nous entendons des appels à l'aide, des appels à prendre les choses en main, à secouer l'inertie, à faire œuvre nouvelle. Le véritable socialisme est toujours un socialisme commençant. Rassemblons nos forces pour passer à l'action. Sortons du capitalisme par la mise en commun. Posons les premières bases des nouvelles communes. On se fait anarchiste quand on dit que la société n'est qu'un ensemble de fins humaines. L'État, cet État dont les humains seraient les résidents, ah tiens, je l'avais changé, cela n'existe pas. C'est l'idée d'État qui réside dans les hommes et qui y fait des ravages. Le capital, ce capital dont les hommes auraient besoin pour travailler, cela n'existe pas. Il y a des liens entre les hommes qui leur permettent de travailler et d'échanger. Où il y a absence de liens. Ce qui fait naître le parasitisme, l'exploitation et le monopole. Tous ceux qui ne savent rien faire d'autre que combattre l'État en sont encore prisonniers. L'État est un rapport, c'est une relation entre les hommes. C'est une manière qu'ont les hommes de se comporter entre eux. Et on le détruit en entrant dans d'autres relations, en se comportant différemment les uns envers les autres. Le monarque absolu pouvait dire « L'État, c'est moi. » Et nous, qui sommes nous-mêmes emprisonnés dans l'État absolu, nous devons reconnaître cette vérité. L'État, c'est nous. Et nous le resterons aussi longtemps que nous ne serons pas autre chose. Aussi longtemps que nous n'aurons pas créé les institutions établissant une véritable communauté et société humaine. Aujourd'hui, vous donnez votre force de travail à l'industriel, qui vous donne salaire, et vous donnez de l'argent aux marchands pour acheter les marchandises dont vous avez besoin. N'en résulte-t-il pas, par simple déduction logique, que si vous, les travailleurs, intervertissez l'ordre, et que vous commencez par vous donner l'argent à vous-même pour acheter les marchandises dont vous avez besoin, vous pouvez vous donner les salaires à vous-même et mettre votre force de travail à la disposition de vous-même. À chaque lutte économique, à chaque grève, les travailleurs devraient se demander « Ne pouvons-nous pas, en cette période d'inactivité, travailler et édifier quelque chose pour nous-mêmes, pour notre unité ? Ne pouvons-nous pas faire des préparatifs pour organiser la consommation en commun ? Fût-ce seulement des soupes populaires pour commencer, que nous mettrions en place et que nous ferions vivre par nos propres forces, même après la fin de la grève. Les capitalistes, vous n'aurez plus notre travail. Nous en avons besoin pour nous-mêmes. Nous retirons notre travail de votre économie absurde et délirante pour le mettre au service des organisations du socialisme. Le peuple pourrait venir à bout immédiatement de cette monstruosité, en mettant en commun sa consommation, en organisant un crédit gratuit réciproque. Il pourrait travailler pour ses propres besoins s'il avait la terre. La société ne peut être que capitaliste, car les masses sont sans terre. Les prolétaires en viennent à penser dans les grandes villes et les centres industriels où ils sont affreusement entassés, qu'il doit en être ainsi, qu'il en a toujours été ainsi. Mais les choses n'ont pas toujours été ainsi. Et elles ne sauraient rester ce qu'elles sont. La raison pour laquelle notre époque est si pesante, si stérile, si déchirée et si malheureuse, c'est que nous sommes enfermés dans notre passivité depuis trop longtemps, que nous avons trop longtemps différé l'accomplissement de notre tâche, qui est de répartir la possession du sol entre les habitants. Aucune puissance et aucun préjugé au monde ne peut empêcher, selon la conviction des anarchistes, ceux qui ont été spoliés, de se réapproprier ce qui doit revenir au dernier des hommes, la portion de sol qu'il faut pour se tenir debout, pour marcher, pour trouver le repos et pour travailler. Mais je vois aussi que la société de l'échange juste n'existera que lorsqu'un peuple entier, ou du moins quelques grands pans du peuple, regroupés en associations de consommateurs, la voudront. Ils pourraient l'avoir de suite, dès aujourd'hui. Rien ne peut empêcher les consommateurs unis de travailler pour eux-mêmes, de se construire des usines, des ateliers, des maisons, et d'acquérir de la terre. Rien, à condition qu'ils s'y décident et qu'ils commencent. Mais je vois aussi qu'ils ne le veulent pas encore, et qu'ils en sont loin, qu'ils ne comprennent pas, et qu'ils en sont loin. Ainsi, nous en venons aux intentions de notre colonie socialiste, de notre ferme ou commune socialiste. Un commencement donné, lorsque l'artificialité, le capitalisme et la vacuité ont proliféré entre les êtres au point que nous atteignons aujourd'hui. Les nouvelles bases de la société devront, comme tout organisme vivant, comporter, unis en elles, la constance et le renouvellement, les forces cosmiques et chaotiques, le principe du maintien et celui de la subversion et du renversement. Tu peux rester, hein, si c'est pas plus bruyant que ça. Je souhaite ardemment que l'on se rassemble, que l'on œuvre en faveur du socialisme municipal, en faveur de colonies coopératives, de coopératives de consommation ou d'habitation, que l'on crée des jardins et des bibliothèques publiques, que l'on quitte les villes, que l'on travaille avec des bêches et des pelles, que l'on réduise sa vie matérielle à l'essentiel afin de gagner de l'espace pour le luxe de l'esprit, que l'on organise et que l'on instruise, que l'on œuvre pour la création de nouvelles écoles et le ralliement des enfants. Mais tout cela ne fait que restaurer l'éternelle habitude d'hier si on n'agit pas dans un esprit nouveau. C'est une erreur fondamentale de croire qu'on pourrait ou qu'on devrait apporter l'anarchisme au monde. Qui veut apporter la liberté au monde, ce qui revient à dire sa conception de la liberté, celui-là est un despote, mais pas un anarchiste. L'anarchie ne sera jamais l'affaire des masses. Elle ne se réalisera ni par l'invasion ni par l'insurrection armée. Tout comme le socialisme fédéraliste ne viendra jamais si nous attendons là que le capital entassé et la propriété du sol passent un jour dans les mains du peuple. L'anarchie n'est pas une chose de l'avenir, mais du présent. Elle n'est pas affaire de revendication, mais affaire de vie. Ce que j'appelle ici anarchie, mais sans m'attacher au mot de quelque manière que ce soit, est une disposition fondamentale présente en tout individu qui médite sur le monde et l'âme humaine. Je veux parler du besoin impérieux de se faire renaître, de refonder son être, puis de façonner, autant qu'on en a le pouvoir, son environnement et son monde. Chacun de nous devrait connaître ce suprême instant où, pour parler avec Nietzsche, il recrée en lui le chaos originel. J'appelle anarchiste celui qui a la volonté de ne pas jouer un double jeu avec lui-même. Celui qui s'est pétri lui-même comme une pâte dans les crises décisives de son existence, de sorte qu'il se connaît du dedans et peut agir selon l'impulsion de son être le plus secret. Pour moi, un affranchi, un homme libre, un homme véritablement homme, un anarchiste, est celui qui a découvert l'impulsion qu'il veut incarner et qui est sa vie même. Tout ce que nous voyons à faire, qui pourrait le faire à notre place? Nous sommes toujours dépendants et toujours libres. Voilà, pour le premier tour. Je sais pas s'il y en a qui ont déjà envie de réagir ou des questions. juste une question, parce que je suis arrivée, peut-être tu l'avais dit, mais ouais. Donc Landauer, il vit en Allemagne quand il écrit ça. Oui. Oui, c'est ça, il est allemand. Oui. Avant la Première Guerre mondiale. Bon, sinon j'enchaîne et on parlera après. Donc, si vous êtes d'accord avec rien, vous pouvez quitter la salle maintenant. C'est la troisième fois que je fais cette lecture. Qui pour moi résonne fort avec des expériences rurales collectives que j'ai pas mal fréquentées et tenté de soutenir ces dernières années. Donc j'ai lu une première fois dans une des coopératives des fermes du réseau Longomaille. Et une deuxième fois sur le plateau de Mille Vaches. Et donc dans des lieux qui à chaque fois résonnent pour moi avec ce qui est énoncé là et avec la tentative de faire commune, comme ils le disent aussi. Voilà, donc lire aujourd'hui à Marseille, c'est aussi... souhaiter voir naître ce genre de choses autour de moi. C'est toi qui avais fait le théâtre à Longomaille, à Saint-Martin, du coup ? Tu n'avais pas fait J'avais raconté une fois des histoires des quartiers nord de Marseille à la fête du Mince-Granier. D'accord, je savais que tu avais vu, mais je cherchais une. Une autre petite précision terminologique. Donc, dans ce premier tour de fragments de texte-là, il utilise donc les deux termes, comme vous avez entendu, anarchie et socialisme, qui pour lui sont un peu les deux faces d'une médaille, quoi. Anarchie comme absence de domination et socialisme, c'est le mot qu'il utilise pour dire la face positive du fait de se mettre ensemble, quoi, en fait. Et vous verrez que dans ce texte-là, donc de 1911, le mot anarchie n'apparaît plus du tout. Pourtant, sa pensée est la même. Mais d'après ce que j'ai cru comprendre, il s'est pas mal brouillé avec le mouvement anarchiste allemand dont il est resté très incompris, quoi. À cette époque-là, je crois que l'anarchisme, dans sa grande majorité en Allemagne en tout cas, bon, d'une part, on sortait un peu de la période des attentats et des tentatives violentes. On était plutôt dans une phase d'anarchisme organisé de façon syndicale et qui essayait d'organiser les masses et de préparer le grand soir, etc., qui était assez nourri finalement, malgré lui, de pensée marxiste aussi. Et donc pour lequel ces choses-là dont il parle étaient totalement inentendables. Donc à un moment donné, il a été vraiment mis à l'écart et peut-être lui aussi, il avait l'impression que le mot, ce qu'il mettait dedans, n'était pas compris et que le mot socialisme, pour lui, était simplement le mot... Mais vous verrez qu'à la fin du texte, il dit aussi, bon, on devrait peut-être trouver un autre mot que socialisme, ce qui est aujourd'hui plus urgent que jamais. Mais je pense que pour lui, c'était simplement le mot le plus large de l'époque pour dire une tentative d'aller vers l'émancipation collective. On y va. Appel au socialisme. Premier chapitre. Que j'ai réduit à ça. Celui qui lance un appel au socialisme doit penser que le socialisme est une chose qui n'est pas là, ou qui n'existe plus, ou pas encore, ou à peine. Et je dis en effet, le socialisme tel que je l'entends existe à peine, et dans un état plus lamentable que jamais. C'est pourquoi je parle à tous ceux qui veulent bien m'écouter, et j'espère que ma voix parviendra finalement aussi à ceux, nombreux, qui ne veulent pas m'écouter. C'est pourquoi j'appelle au socialisme. 2. Des professeurs et des auteurs d'opuscules pieux propagent la doctrine suivante. Les hommes, et aussi bien sûr les animaux, les plantes, le monde entier, seraient soumis à un progrès constant, un mouvement ascendant depuis le niveau le plus bas jusqu'au niveau le plus haut, et ainsi de suite sans arrêt depuis la fange des enfers jusqu'au plus haut des cieux. Et c'est ainsi donc que l'absolutisme, le servage, le mercenariat, le capitalisme, la misère et la déchéance, toutes ces choses sont supposées être des étapes, des stades du progrès sur le chemin du socialisme. Nous ne sommes en aucune sorte partisans de ces illusions prétendument scientifiques. Nous voyons le monde et l'histoire humaine différemment. Nous disons que les peuples ont leur temps de floraison, l'apogée de leur culture, et qu'ils redescendent de ces sommets. Et nous disons que nos peuples d'Europe et d'Amérique sont des peuples qui sont en déclin depuis longtemps, depuis environ la découverte de l'Amérique. Et nous disons que les peuples connaissent leur apogée quand ils sont submergés par un esprit. Voilà qui sonne mal aux oreilles de nos contemporains qui se disent socialistes. Ce que vous appelez le progrès, cette effervescence incessante, cette recherche rapidement fatigante du changement et cette course neurasthénique et asthmatique à ce qui est nouveau, ce soi-disant progrès est un symptôme de nos conditions anormales, de notre manque de civilisation. Et pour nous en tirer, nous avons besoin de quelque chose de tout à fait différent de ces symptômes de notre dépravation. Ainsi, notre époque se situe entre les époques. À quoi ressemble-t-elle? Un esprit unifiant qui pousserait de l'intérieur les hommes vers le travail en commun dans les affaires de la communauté, de la production et de la distribution des biens dont nous avons besoin, n'existe pas à l'heure actuelle. Un esprit qui emplirait de nécessité et de liberté les objets de l'usage, les pulsions naturelles, les satisfactions et les fêtes n'existent pas à l'heure actuelle. À quoi ressemble l'esprit qui détermine notre travail? La terre, et avec elle la possibilité de l'habitation, de l'atelier, de l'activité. La terre, et avec elle les matières premières. La terre, et avec elle les moyens de travail hérités du passé, est en possession de quelques personnes. Ils font fabriquer des choses dont ils croient en fonction de leur situation matérielle respective que le marché peut les accepter à l'aide d'une armée d'agents et de voyageurs de commerce. La grande masse des hommes est séparée de la terre et de ses produits, de la terre et des moyens de travail. Ils vivent dans la pauvreté et l'insécurité. Ils travaillent à des choses qui n'ont aucun rapport avec leur vie. Ils travaillent d'une manière qui les rend tristes et mornes. Leur vie n'a pas de lien, ou bien des liens racornis avec la nature. Ils ne savent pas ce qu'est le pathétique, la joie, ce qu'est le sérieux et la ferveur, ce qu'est l'horreur et le tragique. Ils ne sont pas les témoins de leur propre vie. Ils ne peuvent pas sourire et ils ne peuvent pas être des enfants. Et il est nécessaire et certain que beaucoup veulent travailler et ne le peuvent pas, et que beaucoup qui seraient capables de travailler n'en ont plus la volonté. Pour maintenir l'ordre et la possibilité de continuer à vivre malgré toute cette absence d'esprit, ce manque de sens, ce chaos, cette misère et cette déchéance, il y a l'État. L'État, avec ses écoles, ses églises, ses tribunaux, ses prisons, ces asiles des pauvres, l'État avec ses gendarmes et sa police, l'État avec ses soldats, ses fonctionnaires et ses prostituées. Là où il n'y a pas d'esprit et pas de nécessité interne, il y a la violence externe, la réglementation et l'État. Là où il y a l'esprit, il y a la société. Là où il y a absence d'esprit, il y a l'État. L'État est le succédané de l'esprit. Autrefois, il y eut des communautés, des tribus, des guildes, des confréries, des corporations, des sociétés. Et elles se stratifiaient toutes pour former une société. Aujourd'hui, il y a la contrainte, la lettre de la loi, l'État. 4. Personne ne peut le comprendre, personne ne peut y conduire si pour lui le socialisme ne provient pas des siècles et des millénaires passés. Celui qui ne conçoit pas le socialisme comme la continuation d'une longue et difficile histoire ne sait rien de lui. Ce qui est couramment appelé socialisme chez nous n'est pas du tout socialisme. Ici aussi, dans le soi-disant mouvement socialiste, comme dans toutes les organisations et institutions de l'époque, c'est un succès d'année pitoyable et vulgaire qui a pris la place de l'esprit. Celui qui a concocté cette drogue dans son laboratoire s'appelle Karl Marx. Karl Marx, le professeur. Ce qu'il nous a apporté, c'est la superstition scientifique à la place du savoir spirituel. Cela a semblé être quelque chose de complètement nouveau, que le monde n'avait jamais vu auparavant, c'est-à-dire la politique scientifique et le parti avec une base scientifique, un programme scientifique. Ce fut quelque chose de réellement nouveau et de plus quelque chose d'extrêmement moderne et de conforme à l'esprit du temps. Encore mieux, cela flattait les travailleurs en leur faisant entendre que c'était justement eux qui représentaient la science nouvelle. À vrai dire, l'illusion scientifique du marxisme s'accorde très mal avec la politique pratique du parti. Cela s'accorde mal que l'on prétende d'un côté, sur la base des lois du soi-disant développement historique, qu'ils doivent avoir la force des lois naturelles, savoir exactement comment les choses doivent arriver de manière nécessaire, sans que la volonté et l'action de n'importe quel homme ne puissent changer la moindre chose à cette prédétermination. Et que de l'autre côté, on soit un parti politique qui ne peut faire autre chose que de vouloir, de réclamer, d'acquérir de l'influence, d'agir et de changer des détails. Le pont jeté entre ces deux incompatibilités constitue l'arrogance la plus folle qui ait jamais été étalée en public dans l'histoire humaine. Tout ce que les marxistes font ou demandent, car ils demandent plus qu'ils ne font, est précisément, dans l'instant, un maillon nécessaire du développement, et déterminé par la providence. Tout ce que les autres font est la volonté vaine d'entraver la nécessité des tendances historiques découvertes et garanties par Karl Marx. Or, l'histoire et l'économie politique ne sont pas des sciences. Les forces qui agissent dans l'histoire ne peuvent pas être énoncées scientifiquement. Leur évaluation dépendra toujours de notre nature, de notre caractère, de notre vie, de nos intérêts. Sinon, pourquoi vivre encore? Et quelle serait cette vie s'il n'y avait qu'une seule possibilité de vie? Si nous savions vraiment, totalement, ce qui va arriver, vivre ne signifie-t-il pas devenir neuf? Vivre ne signifie-t-il pas pénétrer dans ce qui est nouveau, dans ce qui est incertain, dans cet autre monde que nous ne sommes pas, et de porte en porte à l'infini? Celui qui, non résigné, sceptique ou se plaignant, mais d'accord et joyeux, dit ici: nous ne savons rien des choses qui sont multiples et inexprimables dans la vie passée et future des hommes et des peuples. Celui-là est assez fier et courageux, plus que beaucoup d'autres, pour savoir en lui, sentir en lui, vivre en lui le destin des milliers de siècles. Je dis cependant, ce que j'enseigne n'est assurément pas de la science. Que chacun examine si sa nature, sa vie véritable, le conduit sur les mêmes chemins que moi. et ensuite seulement qu'il vienne avec moi. Selon Karl Marx, donc, la carrière progressive de nos peuples depuis le Moyen-Âge, via le présent jusqu'au futur, est un cours qui doit s'accomplir avec la nécessité d'une loi naturelle, et qui plus est, avec une vitesse croissante. Dans la première phase, la phase mesquine et bornée, où il n'y a que des hommes moyens, des médiocrités, des petits bourgeois et des gens pitoyables de ce type, beaucoup d'entre eux ont une très petite propriété. Puis vient la deuxième phase, l'essor vers le progrès, ce qu'on appelle le capitalisme. Quelques-uns ont une très grande propriété, la masse n'a rien. La transition vers cette phase a été difficile et ne s'est pas faite sans violence, mais maintenant on s'approche sans cesse et de plus en plus facilement de la terre promise sur les rails bien huilés du développement. Dieu soit loué, de plus en plus de masses sont prolétarisées. Dieu soit loué, il y a de moins en moins de capitalistes. Ils s'exproprient mutuellement, jusqu'à ce que la masse des prolétaires, tel le sable au bord de la mer, s'oppose à de gigantesques entrepreneurs totalement isolés, et alors le saut dans la troisième phase n'est qu'un jeu d'enfant. Le glas de la propriété privée capitaliste sonne. Au sein même du capitalisme, on en est arrivé, dit Karl Marx, à la centralisation des moyens de production et à la socialisation du travail. Il dit même que cette forme de production a fleuri sous le monopole du capital, donnant libre cours à ce penchant lyrique qui apparaît à chaque fois qu'il chante les dernières beautés du capitalisme. Autrement dit, la forme du travail qu'il a observée dans l'entreprise capitaliste de son époque, à savoir le système de fabrique, le travail de milliers de personnes dans un espace restreint, l'adaptation du travailleur aux machines-outils et la vaste division du travail qui en résulte dans la fabrication des marchandises pour le marché capitaliste mondial, c'est cela que Karl Marx a appelé la coopération, dans laquelle il voit un élément du socialisme. On se refuse à croire une absurdité aussi exemplaire, mais c'est sans aucun doute la véritable opinion de Marx. Le capitalisme donnera naissance au socialisme. Quand le capitalisme l'aura complètement emporté sur les vestiges du Moyen-Âge, le progrès sera scellé et le socialisme sera pratiquement là. N'est-ce pas symboliquement signifiant que l'ouvrage fondamental du marxisme, la Bible de cette sorte de socialisme, s'appelle Le Capital ? À ce socialisme capitaliste, nous opposons notre socialisme et nous disons le socialisme, la culture et le lien, l'échange équitable et le travail joyeux, la société des sociétés, ne peuvent survenir que lorsqu'un esprit s'éveille. Le marxisme est un philistin. Il est l'ami de ce qui est large et massifié. Quelque chose comme une république citadine du Moyen-Âge, une marche villageoise, un mir russe, un Allemand suisse ou une colonie communiste ne peut jamais avoir pour lui la moindre similitude avec le socialisme. Mais un vaste État centralisé ressemble déjà en quelque sorte à son État futur. Si on lui montre un pays à une époque où les petits paysans sont prospères, où un artisanat ingénieux est florissant, où il y a peu de misère, il fronce dédaigneusement le nez. Et Karl Marx et ses successeurs croyaient qu'ils ne pouvaient faire pire insulte au plus grand des socialistes, Proudhon, que de le traiter de socialiste petit bourgeois et petit paysan. Ce qui n'était pas du tout une critique erronée, ni assurément un outrage, puisque Proudhon lui-même a montré magnifiquement aux hommes de son peuple et de son époque, essentiellement des petits paysans et des artisans, comment ils auraient pu parvenir au socialisme immédiatement, sans attendre d'abord le net progrès du grand capital. Mais ceux qui croient au développement ne peuvent pas du tout nous entendre quand nous parlons d'une possibilité qui existait autrefois et qui n'est pas devenue réalité. Je sais combien vous haïssez profondément ces natures de feu, comme Proudhon dans le domaine de la construction, comme Bakounine ou Garibaldi dans le domaine de la destruction et de la lutte. Combien ces natures vous contrarient et sont désagréables à vos arides esprits livresques. En vérité, cela serait bien mieux pour le socialisme et pour notre peuple si, au lieu de la bêtise systématique que vous appelez votre science, Nous avions les bêtises à tête de feu, des gens fougueux, impétueux et débordants d'enthousiasme que vous ne pouvez pas supporter. Et oui, nous voulons faire ce que vous appelez des expériences. Nous voulons faire des essais. Nous voulons créer et faire avec notre cœur. Et nous voulons donc, s'il doit en être ainsi, subir les naufrages et accepter les défaites. Le marxisme est un philistin. Et le philistin ne connaît rien de plus important, rien qu'il y soit plus sacré que la technique et ses progrès. Le père du marxisme, c'est la vapeur. De vieilles femmes prophétisent à partir du marc de café. Karl Marx a prophétisé à partir de la vapeur. Ce qu'il a considéré comme une similitude des socialismes n'était rien d'autre que l'organisation de l'entreprise selon les exigences de la machine à vapeur. Ce sont les nécessités techniques de la vapeur qui ont produit les grandes casernes de fabrication et les grandes villes pleines de casernes d'habitation. Et avec le manque de sens que ces formes de centralisme apportent avec elles, les autres casernes de notre époque deviennent de plus en plus nombreuses et vastes. Ça vaut le coup de lire ici, on est bien servi. 5. Le nombre de gens intéressés au capitalisme ne décroît pas. Il augmente même. Le capitalisme confirme partout sa vitalité. Et au lieu que ses formes fassent une transition vers le socialisme, il utilise au contraire la forme authentiquement socialiste de la coopérative et de la mutuelle pour ses propres objectifs, qui sont l'exploitation des consommateurs et le monopole sur le marché. En outre, l'État a fait ordinairement partout, plus ou moins en sorte que les arêtes vives les plus tranchantes du capitalisme aient été limées. On appelle cela la politique sociale. L'état d'esprit révolutionnaire dans les masses et dans les partis politiques en a été fondamentalement affaibli. Les frontières de la technique, telles qu'elle s'est subordonnée au capitalisme, ont été poussées plus loin que les frontières de l'humanité. La machine et l'outil, ces serviteurs inanimés des hommes, règnent désormais sur eux. Les peuples, la bourgeoisie, et aussi la classe ouvrière se sent de plus en plus impliquée dans les conditions de la production spéculative, sans sens et sans culture, dont le but est de gagner de l'argent. Le capitalisme n'est pas une époque de progrès, mais de décomposition. Cependant, quand nous parlons de décomposition, cela n'a rien de commun avec la lamentation des curés sur la peccabilité de notre monde, et les appels à revenir en arrière. Nous devons avoir la force de ne pas guigner le passé, de ne pas soupirer après ce qui est perdu à jamais. Bref, nous ne devons pas mentir. Métaphysique, vérité, philosophie, religion, cosmovision, ou quel que soit le nom que l'on veut donner à nos tentatives de ramasser en des mots et des formes notre sentiment du monde, elle n'existe chez nous que pour les individus. Tout essai de se baser sur de telles unanimités spirituelles pour fonder des communautés, des sectes, des églises ou des associations de n'importe quelle sorte conduira, si ce n'est à la contre-vérité et à la réaction, du moins au pur bavardage et aux frivolités. Dans tout ce qui va au-delà du monde des sens et de la nature, nous sommes devenus des êtres profondément seuls, tourné vers l'isolement silencieux. Ce qui signifie simplement que notre conception du monde ne porte plus en elle aucune nécessité irrésistible, aucune coercition éthique, aucun engagement pour l'économie et la société. Nous devons l'accepter, car c'est ainsi. Et puisque nous vivons à l'époque de l'individualisme, nous pouvons l'accepter de différentes manières, joyeux ou résigné, désespéré ou impatient, indifférent, voire avec insolence. Mais l'esprit est esprit collectif. Et aucun individu n'est totalement dépourvu de l'aspiration à la totalité, à l'union, à la communauté, à la justice. La force qui pousse à l'association des hommes entre eux existe de manière indéracinable, mais elle a sévèrement été frappée et s'en trouve comme évanouie, parce qu'elle a si longtemps été imbriquée avec l'illusion religieuse qui en était issue et qui est maintenant passée ou en voie de putréfaction. Nous n'avons donc nulle mission de créer pour le peuple une conception du monde qui serait forcément un produit artificiel périssable, faible, voire romantico-hypocrite, soumis à la mode du jour. Nous avons au contraire la réalité de l'esprit collectif qui vit individuellement en nous, et nous devons seulement la faire émerger, l'amener à la création. C'est le désir de création des petits groupes ou communautés animés par l'esprit de justice, non l'illusion céleste ou la forme symbolique, mais la joie sociale terrestre et le fait que les individus soient prêts à constituer un peuple. C'est cela qui amènera le socialisme. Nous ne méconnaissons donc pas que cette époque de déclin porte en son sein des progrès multiples. La nouvelle société que nous voulons préparer ne sera pas un retour à une quelconque ancienne structure, mais ce sera de l'ancien dans une forme nouvelle. Une culture avec les moyens de la civilisation qui est apparue au cours des siècles. Comment donc commencerons-nous ? 6. Ce fut un moment mémorable dans l'histoire de notre époque lorsque Pierre-Joseph Proudhon dit à son peuple, en relation avec la Révolution française de 1848, vous avez aboli le roi de l'État en 1793, mais vous avez conservé le roi de l'économie, l'or. Et parce que vous avez laissé ainsi le malheur, le manque d'ordre et l'insécurité régner dans le pays, vous avez dû laisser rentrer à nouveau les rois, les fonctionnaires et les armées. Débarrassez-vous des intermédiaires autoritaires. Abolissez les parasites. Préoccupez-vous de l'association immédiate de vos intérêts. Qu'est-ce que l'or ? Qu'est-ce que le capital ? Ce n'est pas une chose comme une chaussure, une table ou une maison. Ce n'est rien de réel. L'or est le signe d'un rapport. Le capital est ce quelque chose qui va et qui vient, comme les relations entre les hommes. Et c'est donc quelque chose qui existe entre les hommes. Le capital, c'est le crédit. Le crédit, c'est la mutualisation des intérêts. Vous êtes maintenant dans la révolution. La révolution, c'est-à-dire l'enthousiasme, l'esprit de confiance, l'exubérance de l'égalisation, le désir d'aller vers la totalité est passé sur vous, est né parmi vous. Créez maintenant la mutualité immédiate. Faites en sorte qu'une institution vous permette d'échanger les produits de votre travail avec les autres. Créez la banque d'échange. Que le menuisier fabrique ses meubles, que le cordonnier fasse ses bottes. Que le boulanger cuise son pain et ainsi de suite. Que tous ensemble ils produisent tout ce dont le peuple a besoin. Menuisier, tu n'as pas de pain. Naturellement, tu ne peux pas aller chez le boulanger et lui proposer des chaises et des armoires dont il n'a pas besoin. Va à la banque d'échange. Échange tes commandes, tes factures, contre des chèques de valeur universelle. Prolétaire, vous ne voulez plus vous rendre chez l'entrepreneur et travailler en échange d'un salaire. Vous voulez être indépendant, mais vous n'avez pas de lieu de travail, pas d'outils, pas de vivres. Eh bien, occupez-vous donc de vos commandes, espèce de sot. La clientèle existe. Et la clientèle, c'est de l'argent, comme on dit aujourd'hui. La séquence doit-elle donc être toujours misère, esclavage, travail, produit, salaire, consommation? Ne pouvez-vous pas commencer par ce qui est le commencement naturel? Crédit, confiance, mutualité, de sorte que la séquence soit commande, crédit ou argent, consommation, travail, produit. La mutualité est la chose primordiale. Elle est l'esprit entre les hommes, qui permet à tous ceux qui veulent travailler de le faire et de satisfaire leurs besoins. La voix était là. Les oreilles ont fait défaut. Le moment est advenu. Il est passé. Il est maintenant passé pour toujours. Au lieu de Pierre-Joseph Proudhon, l'homme de la synthèse, c'est Karl Marx, l'homme de l'analyse, qu'on a écouté. Et on a continué de ne pas contrarier la dissolution, la démolition, le déclin. C'est ainsi que ce que Proudhon a dit de vrai à un monde déterminé peut ne plus être valide aujourd'hui, où l'on a fait avancer les choses durant des décennies. Ce furent les décennies de l'adaptation au capitalisme, de l'adaptation à la prolétarisation. Et c'est vraiment une adaptation qui a déjà pris en grande partie un caractère héréditaire. C'est une détérioration des relations entre les hommes. Nous vivons aux époques de l'humanité naissante. Il n'est pas exclu que cette humanité naissante puisse être le commencement de la fin de l'humanité. Peut-être qu'aucune autre période que la nôtre n'a vu de manière aussi menaçante devant ses yeux ce qu'on appelle la fin du monde. Nous devons plonger dans cet abîme pour épuiser le courage et la nécessité urgente dont nous avons besoin. Il faut construire quelque chose de très étendu. Mais cette construction doit commencer à petite échelle. Nous devons nous étendre sur toutes les largeurs, et nous ne le pouvons que si nous creusons dans toutes les profondeurs. Car cette fois-ci, aucun salut ne peut plus provenir de l'extérieur. Aucun pays inoccupé n'invite plus les peuples à la population trop dense à s'établir. Nous devons fonder le genre humain, et nous ne pouvons que le trouver dans notre humanité à nous. Nous ne pouvons que le faire naître des liens volontaires des individus et des communautés. Sept. Les temps ont changé de ce que Proudhon pouvait les voir en 1848. L'expropriation a augmenté à tous égards. La situation n'est plus celle où l'on pouvait dire aux hommes d'un peuple « Votre sol porte ce dont vous avez besoin en nourriture et en matières premières de l'industrie, travaillez et échangez. » La situation n'est plus celle-là. Une confusion monstrueuse, un chaos vraiment bestial, une impotence infantile naîtrait au moment d'une révolution. Jamais les hommes n'ont été plus dépendants et plus faibles que maintenant, où le capitalisme est parvenu à son apogée, au marché mondial du profit. Aucune statistique mondiale et aucune république mondiale ne peuvent nous aider. Le salut ne peut être apporté que par la renaissance des peuples à partir de l'esprit de la commune. La forme fondamentale de la culture socialiste, c'est l'union des communes indépendantes, fédérées, en associations d'associations, de plus en plus vastes, mais avec un nombre de tâches de plus en plus restreint. Voilà à quoi ressemble une société. Une union de type naturel ne nous est donnée que là où nous sommes dans une proximité de lieu, dans un contact réel et physique. Que les hommes échangent de commune à commune ce qui peut ni ne doit être travaillé dans un lieu donné, de la même façon qu'ils échangent de particulier à particulier à l'intérieur de la commune. La faim, les mains et la terre sont là. Les trois sont là du fait de la nature. C'est étrange qu'il faille expliquer aujourd'hui aux gens comme une chose nouvelle le fait que tout ce qui entre dans notre consommation, mis à part l'air, provient de la terre et des êtres vivants qu'elle porte. La faim, les mains et la terre sont là. La terre doit appartenir à tous. Celui qui prive les autres de la terre contraint ses autres à travailler pour lui. Et grâce à l'économie monétaire, toutes sortes de choses qui n'y ressemblent pas sont désormais devenues de la propriété du sol. Au pays du profit, de l'usure, de l'intérêt, tu es un voleur de sol, même si tu n'as pas de sol, même si tu n'as que de l'argent ou des titres. Tu es un maître d'esclaves, même si tu n'emploies aucun ouvrier, du moment que tu vis d'autre chose que du résultat de ton travail. Et même quelqu'un qui vit du résultat de son travail, participe à l'exploitation des hommes si son travail résulte d'un monopole ou d'un privilège. La faim, les mains et la terre sont là. Les trois sont là du fait de la nature. Il nous faut regagner la terre. Les communautés du socialisme doivent repartager le sol. Mais la propriété ne renaîtra-t-elle pas de ce partage? Je sais bien que d'autres conçoivent la propriété collective ou l'absence de propriété autrement. Ils voient tout dans le brouillard. Je m'efforce d'y voir clair. Ils voient tout dans la perfection d'un idéal décrit. Je veux exprimer ce qu'il faut faire. Faut faire, maintenant et en tout temps. Celui qui veut transformer radicalement les choses ne trouvera rien d'autre à transformer que ce qui existe. Et c'est pourquoi il serait bien, maintenant et en tout temps, que les communautés locales possèdent leur territoire communal, qu'une partie de celui-ci soit de la terre communautaire, et que d'autres parties constituent des biens familiaux, à redistribuer de manière permanente dans les époques futures. La justice dépendra toujours de l'esprit qui prévaudra entre les hommes. Et ce serait un effort inutile et néfaste de vouloir créer une fois pour toutes des institutions brevetées, qui excluraient toute possibilité d'exploitation et d'usure. Que chaque génération s'occupe de manière courageuse et radicale de ce qui correspond à son esprit. Cela laissera encore des raisons pour des révolutions plus tard, quand un nouvel esprit devra s'opposer aux résidus rigidifiés de l'esprit dissipé. Et c'est ainsi que je vois la lutte contre la propriété conduire à des résultats tout à fait différents de ce que certains, par exemple les soi-disant communistes, s'imaginent. La propriété est quelque chose de différent de la possession. Et je vois dans l'avenir la possession privée, la possession coopérative, la possession communautaire, dans un état on ne peut plus florissant. Pas seulement la possession d'objets de consommation immédiate ou d'outils simples, mais aussi la possession qui fait si superstitieusement peur à certains de toutes sortes de moyens de production, de maisons et du sol, car il ne s'agit pas de produire des dispositions de sécurité définitive pour le règne de 1000 ans ou pour l'éternité, mais de viser une égalisation générale et de cultiver la volonté de répéter cette égalisation de façon régulière. Le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir l'appel de la trompe dans tout le pays, et ce sera le jour de l'égalisation. Et vous déclarerez sainte cette 50e année, et proclamerez l'affranchissement de tous les habitants du pays. Ce sera pour vous le jubilé. Alors chacun rentrera dans son patrimoine, et chacun retournera parmi les siens. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. La voix de l'esprit est cette trompe qui retentira encore et toujours, tant que les hommes seront ensemble. L'injustice voudra toujours se consolider. Et tant que les hommes seront vraiment vivants, la révolte éclatera toujours contre elle. L'insurrection comme constitution. La transformation et la révolution comme règle établie. Voilà ce qui était grand dans cet ordre social mosaïque. Voilà ce que nous devons rétablir. Voici donc notre mot d'ordre, la terre et l'esprit. La lutte socialiste est une lutte pour le sol. La question sociale est une question agraire. C'est ici que nous mesurons l'étendue de l'erreur qu'a été la théorie du prolétariat des marxistes. Si la révolution arrivait aujourd'hui, aucune classe de la population ne serait aussi ignorante de ce qu'il faut faire que nos prolétaires industriels. Nous sommes beaucoup trop éloignés de la justice et de la raison dans la fabrication et la distribution des produits. Toute personne qui consomme aujourd'hui dépend de l'économie mondiale entière, parce que l'économie du profit s'est introduite entre elle et ses besoins. Les œufs que je mange viennent de Galicie, le beurre du Danemark, la viande d'Argentine, le blé de mon pain vient d'Amérique, la laine de mon costume d'Australie. Les hommes de notre époque ont perdu leurs relations et sont devenus irresponsables. Le commerçant s'en fiche de la provenance de sa marchandise. Le prolétaire s'en fiche de savoir ce qu'il produit et pour qui. L'argent a absorbé les relations. L'argent tire ses forces et sa vie de quelque part. Il ne peut les tirer que de nous. Et autant nous avons fait de l'argent quelque chose de riche et de prolifique, autant nous nous sommes appauvris et exploités. Le socialisme est une reconquête de la relation. Il n'y a pas d'autre voie. Il faut que nous apprenions et mettions en pratique ce pourquoi nous travaillons. Nous ne travaillons pas pour le Dieu ou pour le diable auquel les hommes ont vendu leur âme, mais pour nos besoins. Nous ne pouvons pas attendre l'humanité. Nous ne pouvons pas attendre que le genre humain s'associe pour une économie commune. Pour autant, nous ne devons pas renoncer à l'espoir que nous avons dans le peuple tout entier, dans tous nos peuples. Mais en réalité, autour de nous, il n'y a plus de peuple. À la place du peuple, d'un groupe humain uni par l'esprit, il y a maintenant l'État et l'argent, de sorte qu'il ne pouvait subsister de l'autre côté que des fragments humains disloqués. Le peuple ne peut redevenir que s'il est en gestation chez les individus, que si sa forme préliminaire vit dans les hommes créatifs et qu'elle exige de devenir réalité au travers de leur cœur, leur tête et leurs mains. Celui qui satisfait le peuple qu'il porte en lui, celui qui se joint à ses semblables pour l'amour de ce germe embryonnaire et de cette forme imaginaire pressante, afin de réaliser ce qui peut l'être pour accomplir l'œuvre socialiste, celui-là doit quitter le peuple afin d'aller au peuple. C'est ainsi que nous voulons donc nous unir pour établir des fermes socialistes, des villages socialistes, des communes socialistes. Celui qui veut construire le socialisme doit se mettre à l'œuvre en s'appuyant sur le pressentiment d'une joie et d'une félicité devinées et pourtant inconnues. D'abord, nous devons tout réapprendre. La joie du travail, de la communauté, des égards mutuels, car nous avons tout oublié. Et pourtant, nous le sentons encore en nous. Tout ce que nous tentons de mettre en forme dès à présent de manière poétique, par les mots et les descriptions, l'alternance dans le travail, le rôle du travail intellectuel, la forme des moyens d'échange les plus commodes et les moins dangereux, l'introduction du contrat à la place de la loi, la rénovation de l'éducation, tout cela deviendra réalité en se faisant, et certainement pas en se réglant sur un modèle dessiné à l'avance. Nous sommes en route. Nous ne croyons plus à la ligne qui sépare le présent du futur. Nous savons que l'Amérique est ici ou nulle part ailleurs. Ce que nous ne faisons pas maintenant, dans l'instant, nous ne le ferons pas du tout. Nous pouvons fonder des installations dont il est certain qu'elles n'échapperont pas entièrement au capitalisme du premier coup. Mais nous savons maintenant que le socialisme est un chemin. Les moyens pour acquérir de la terre et les premiers moyens d'exploitation pour ces installations, nous les obtiendrons par la fusion de nos coopératives de consommation, par les syndicats et les associations de travailleurs qui nous suivront, et par des personnes riches qui ou bien nous rejoindront complètement, ou bien nous donneront au moins des moyens. Je n'ai pas du tout peur d'attendre cela et d'exprimer cette attente. Le socialisme est l'affaire de tous ceux qui sont saisis par l'effroi de ce qui vit autour de nous et en nous. Et nombreuses seront les personnes de toutes les classes qui endureront bientôt une souffrance bien plus grande que ce que l'on imagine aujourd'hui. Personne ne pourra rien faire de mieux alors avec son argent que de le donner une fois pour toutes et de libérer ainsi de la terre pour le commencement du socialisme. Une fois que la terre est libre, personne ne considère qu'elle a été achetée, et elle-même ne s'en souvient plus. La fin de terre doit passer sur vous, les hommes des grandes villes. Si dans tout le pays, nord, sud, est, ouest, dans toutes les provinces, les installations socialistes établissent leur propre culture au milieu de l'économie du profit, à la vue de tous, Alors, je le crois, le peuple se réveillera. Et les peuples libéreront le sol et ne travailleront plus pour des idoles, mais pour les hommes. Commencez donc. Commencez au plus petit. Commencez avec une troupe minimale. L'État, c'est-à-dire les masses qui ne sont pas encore au courant, les classes des privilégiés et leurs représentants, les castes du gouvernement et de l'administration, mettront les obstacles les plus grands et les plus mesquins sur le chemin de ceux qui veulent commencer. Nous le savons. La destruction de ces obstacles, si ce sont des obstacles réels, se fera lorsque nous en serons très rapprochés, lorsque nous en serons si proches qu'il n'y aura plus le moindre espace entre eux et nous. Laissons donc venir le temps. Personne ne peut faire violence au peuple, sauf ce peuple lui-même. Et de grandes parties du peuple se mettent du côté de l'injustice et de ceux qui leur portent préjudice à eux-mêmes, à leur corps et à leur âme, parce que notre esprit n'est pas assez fort, pas assez luminescent. Notre esprit doit s'enflammer, il doit briller, il doit séduire et attirer à lui. Nous avons besoin de tous ceux qui sont emplis de ce désir de création. Nous avons besoin d'hommes d'action. Nous lançons cet appel auprès des agissants, des débutants, de ceux qui veulent commencer. À celui qui, dans les heures où ses mots et ses sentiments lui ont été adressés, ne l'a pas encore entendu, nous allons maintenant lui dire ceci en guise d'adieu. Comme nous avons employé des mots habituels à la seule fin de pouvoir parler aux hommes, et de même que nous avons ensuite écarté ces mots provisoires, usuels mais mal utilisés ou peu satisfaisants, il peut arriver la même chose à ce mot, socialisme. Peut-être que cet appel est aussi un début de chemin pour trouver un mot meilleur, qui doit être cherché plus profondément, qui montrera l'avenir. En attendant, chacun doit déjà savoir ceci. Notre socialisme n'a rien de commun avec un bien-être satisfait où l'on fait du bruit en mangeant, ou avec le désir d'une idylle pastorale paisible, ou d'une vie plate qui ne serait consacrée qu'à l'économie et aux besoins vitaux. Il a été beaucoup question d'économie ici. Elle est le fondement de notre vie avec les autres, et elle doit en devenir tellement le fondement qu'il ne sera plus tant nécessaire d'en parler. Salut à vous, les errants, les sans-repos, les voyageurs, les vagabonds et les flâneurs, vous qui ne supportez pas de vous insérer dans l'économie et dans ce temps qui est le nôtre. Salut à vous, les artistes, qui créez des formes en dehors du temps. Salut à vous aussi, les guerriers des anciens temps, qui ne voulaient pas que votre vie se ratatine auprès du poil. Et salut à vous aussi, les bègues, les silencieux, qui cachaient au plus profond de vous, là où, d'où aucun mot ne sort, l'intuition suivante. Des grandeurs inconnues, des combats secrets, des angoisses profondes, des joies et des douleurs débridées seront à l'avenir encore le lot de l'humanité. Vous tous chez qui le rêve rit et pleure, c'est à vous que cet appel s'adresse. Ceci ne constitue qu'un premier propos. Il reste beaucoup à dire. Ce devra être dit par moi et par les autres auxquels cet appel s'adresse. Causerie est ouverte. Il était drôlement à l'avance, hein. C'est moderne, c'est le sein. Un peu plus fort, peut-être, par du coup, ça, il est en avance, je trouve que c'était le plus moderne, comme réflexion, on en est là. C'est au fait, on s'est rendu compte, en parlant de Gomaz, il y a des endroits où on arrive à vivre entre nous, à se débrouiller, à créer nous-mêmes, à travailler la terre, à faire un produit, et sans avoir besoin d'être payé par un patron, ou par je sais pas, le RSA, ou je ne sais quoi, quoi. Pouvant vivre en autarcie, à céder, il en était déjà là, quoi, un siècle avant, quoi. Il était grandement avant, ça. Oui, oui, oui, moi c'est aussi un sentiment que j'ai tout le long de, d'un texte comme ça, que c'est ahurissant quelque part, que tout ce qu'on a l'impression de se prendre dans la gueule aujourd'hui était déjà présent il y a 100 ans, et je ne sais pas si on est plus nombreux aujourd'hui à... essayer de s'en sortir qu'à l'époque, mais en tout cas, les... Il avait prévu le coup, quoi, il avait vu venir. Une entrée, il vous prévient. Ouais. Où on n'a pas avancé beaucoup plus. C'est un peu plus qu'on est là. Oui. Ouais. C'est, ça peut être un peu désespérant de se dire oui, que. C'est vrai que c'est... Au bout de 100 ans de catastrophe, on est à peu près au même point. Ouais. Mais en même temps, je le. Comment dire, le fait qu'ils disent que de toute façon, le socialisme est toujours un socialisme commençant, donc c'est aussi normal qu'on soit toujours au même point quelque part. Donc, et puis les solutions qu'ils évoquent sont toujours valables, quoi. C'est toujours dans l'action. Enfin, moi, je trouve qu'il y a quand même presque un mode d'emploi, des perceptions de tous ces décalages qui sont, comme elles sont encore très pertinentes aujourd'hui, elles sont encore actives, quoi. C'est toujours possible de le penser, d'agir comme ça, quoi. Enfin, moi, j'y vois plutôt une espèce de continuité dans la pertinence. Que ça, oui. C'est vrai après, parce que l'humanité de façon générale va mieux ou moins bien, enfin, c'est difficile de le penser, mais par contre, il y a les solutions, et voilà, il y a quelque chose qui est faisable. Quoi. Moi je pense que dans ce qu'il dit par rapport à l'État, l'État il s'est renforcé quand même depuis l'époque à laquelle il part. Et quand on parle des expériences... comme Longomaille, ou... j'ai l'impression que l'État y est quand même, enfin, s'émanciper de l'État comme il le propose lui en fait, faire comme si l'État n'existait plus, essayer de s'établir et faire une vie plus anarchiste, plus socialiste. Ou... Je crois que c'est encore moins possible que. Enfin, il y a des chances, oui. En même temps, il y a plein de jeunes qui essayent de faire ça aussi, de sortir du système marchand, commercial et tout, mais à mon avis, c'est plus difficile. Ben, si lui, ce qu'il dit est vrai, et que lui, il observe depuis le milieu du 19e jusqu'au moment où il écrit déjà cette évolution qui continue vers une dissolution et une incapacité de plus en plus grande d'être relié pour faire œuvre commune. C'est sûr que le mouvement a continué, quoi. Mais. Ouais. Mais. Alors, comme aujourd'hui, ce qui compte au final est le présent et ce qu'on peut y faire quand même, quoi. Sans... Ouais, enfin, si l'État décide de détruire un truc, j'ai l'impression qu'on est encore plus fragile. Enfin, je ne sais pas si l'État est plus présent, parce que quand même, est-ce qu'il n'est pas présent autrement? Parce que à cette époque, le patriotisme, c'était vraiment quelque chose de, qui devait être super lourd, et moins que maintenant. Après, là, c'est autrement peut-être, je ne suis pas sûr. Qu'on a un État plus fort, maintenant que au début du XXe siècle. Je sais pas, moi j'ai pas ce sentiment. Par rapport à l'administration, je pense. L'armée, quoi. Je sens qu'on est plus. On a une administration beaucoup plus forte. Ben oui, ce qui dit déjà que l'État de son époque a un peu arrondi les angles du capitalisme par la politique sociale, etc. Et donc c'est du coup substitué beaucoup aussi à l'auto-organisation des humains. C'est un mouvement qui a continué, c'est clair. Je crois qu'il soulève aussi la question de la consommation de manière absolument extraordinaire. C'est plus intéressant. C'est un des axes quand même de son propos. C'est le fait qu'en étant des consommateurs, on est ligoté par peut-être par l'État, mais surtout par le capitalisme. C'est le commerce. Le commerce qui devient mondial. Et je pense qu'en refusant, dans la mesure de dans toute la mesure du possible, sachant qu'on ne peut pas tout faire ce qu'on, immédiatement ce qu'on voudrait, mais en refusant, je pense aux décroissants, en refusant autant que possible d'entrer dans le temple de la consommation, on peut aussi avancer les choses à très petite échelle. Mais bon, c'est mieux que rien. Oui. L'autre jour, je faisais du stop sur une petite route dans les Alpes. Et la nuit était en train de tomber, mais j'étais bien sous mon lampadaire à la sortie du village, bien visible. Et j'ai attendu un bon moment avec des voitures qui passaient, qui allaient toutes dans la bonne direction. Et c'est la première fois de ma vie que j'ai été surpris que personne ne s'arrête, quoi. J'ai quand même souvent fait du stop et pris mon mal en patience et je me suis dit, voilà, c'est comme ça, les gens sont méfiants. Et là, un peu nourri de ces lectures, pour la première fois, j'étais perplexe. Je me disais, mais avant d'être méfiant, ces gens, ils sont surtout indifférents. Ils n'ont pas l'air de considérer que mon être là au bord de la route a quelque chose à faire avec leur vie, qu'il pourrait avoir un lien entre nous, qu'on est du même monde, ou peut-être s'ils considèrent qu'on est du même monde, ils considèrent que c'est l'État et le marché qui gèrent ce lien-là, puisque après tout il y a des transports publics, il y a Blablacar, et ils n'ont pas le sentiment que quelque chose nous relie, qui les concerne, quoi. Et tout à coup, je me suis dit, mais c'est vraiment étrange, quoi. Et je me suis dit, voilà une façon simple de dire un monde dans lequel je voudrais bien vivre, c'est un monde où on s'arrête pour les autostoppeurs. Et j'ai l'impression d'avoir connu quelques endroits comme ça. Par exemple, je ne sais pas, aujourd'hui, si on va à Notre-Dame-des-Landes, qui est pour moi une des incarnations fortes aujourd'hui de cette commune à laquelle il fait appel, quoi. Là-bas, qui est quand même un truc assez étendu, où tout le monde ne se connaît pas forcément, il y a beaucoup de passages, mais là, si tu marches au bord d'une route et qu'il y a une voiture passe, c'est évident qu'elle va s'arrêter pour te prendre, parce que n'importe quelle personne qui est là, il y a des chances que tu considères que tu es dans un combat et que c'est normal de s'entraider, quoi. Et là, j'ai amené ces livres-là oh, je ne sais pas si vous, il y en a qui connaissent ça, des récits, des témoignages de choses qui se passent ces dernières années, qui vont dans la direction qui est indiqué là aussi par ces textes. Et donc là, par exemple, dans ces témoignages-là de Notre-Dame-des-Landes et de la lutte notable dans le Val d'Suse en Italie, pour le Val d'Suse, il parle beaucoup de ce sentiment de la renaissance d'un peuple, de dire c'est une lutte populaire, mais c'est pas une lutte populaire d'un peuple qui était là avant, c'est un peuple qui se crée en luttant, parce que tout à coup dans les villages il y a une vie collective qui renaît et qu'on sent de nouveau qu'on a quelque chose à faire ensemble. Et donc ça répond vraiment à cette idée du peuple manquant et mais qui peut renaître tel qu'il en parle. Puis un autre exemple plus vaste, c'est la Jordanie, telle que je l'ai connue il y a 20 ans en tout cas, qui était un pays encore suffisamment loin du capitalisme et peu étatisé pour que là-bas, au bord de n'importe quelle route, les gens s'arrêtent pour se prendre en stop, parce que je crois que c'est un pays où le simple fait d'être humain est encore considéré comme une sorte de combat commun, quoi. Moi, dans ta lecture, ce qui m'a parlé, c'est pas tant la critique qu'il peut faire du marxisme qui me paraît un peu peut-être moins importante aujourd'hui, que non, pas non plus tant sa critique de l'État, même si elle garde sa pertinence, c'est plutôt les mots qu'il emploie. Comme l'esprit, moi ça me paraît, ça, c'est rarement employé dans ce genre de texte. L'esprit, ou je ne sais pas s'il parle de création, mais en tout cas, il y a cette idée-là. Carrément. Et puis il y a toute la fin que tu as lue, là. Les gens à qui s'adresse cet appel, moi ça me parle aussi. Une forme poétique qui me parle davantage que la forme théorique dont tu as lu des extraits, qui est intéressant, en tout cas, moi qui me parle moins. Et ça rejoint les livres dont tu parles, La Contrée ou Constellation, cette forme-là poétique aussi, ou fragmentaire, ou portée peut-être par une certaine mélancolie, on la retrouve dans ces livres-là. Avec de l'espoir, mais aussi un certain... se dire que les choses ne sont pas données, qu'on est dans un moment peut-être aussi où peut-être que, voilà, on s'avance plutôt vers des choses plus négatives. Tu vois, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, je mélange plusieurs choses. Et que malgré tout, il y a ces possibilités-là qui sont encore là, parce qu'il y a l'humanité qui est encore là. Donc moi, ça me parle davantage peut-être que... quand je parle de mélancolie, ça me fait penser aussi à d'autres types de poètes ou de penseurs qui emploient ce genre... Des gens comme Walter Benjamin, par exemple, ou comme Debord, où on retrouve ce type de mélancolie. Et ce type de, je sais pas, une mélancolie radicale, je sais pas comment on peut appeler ça, mais tu vois ce que je que je mélange les choses. Oui. Ils sont assez éloignés, mais voilà. Sûrement que j'ai aussi ce genre de socialisme un peu hérédique. Mélancolie en moi, ouais. Ouais. Qui garde une porte ouverte vers la joie. Aussi. Oui. Moi, j'ai gardé un assez long passage de sa critique du marxisme parce que je trouve qu'elle est d'une verve méchante qui est magnifique. Et effectivement, d'abord, il caricature un peu la pensée de Marx, qui est peut-être plus de celle de ses épigones à l'époque, qui était sur le point de créer le léninisme, etc. Quoi. Effectivement, on peut se dire que ça commence à être de l'histoire ancienne et qu'on en est pas mal revenu, mais moi je l'étais pas complètement non plus, c'est-à-dire quand même l'impression que toute la pensée de gauche reste imprégnée de quelque part de cette idéologie de progrès dont il essaie de se défaire, et c'est en ça que je trouve ce passage très parlant aussi. En ce qui concerne le vocabulaire utilisé, je suis un petit peu d'accord avec ce que vous dites, il est assez inhabituel, mais j'y vois plus l'influence de Maître K dans l'usage des mots comme esprit. Effectivement, j'en ai noté hein, pas mal, et je trouve qu'il y a plus, je pense, du fait qu'il est vraiment imprégné par les lectures de ce penseur spirituel. Pourquoi c'est un sentiment que j'avais en t'écoutant. Est-ce que tu sais en dire quelque chose là? Je ne suis pas suffisamment capable d'en parler. J'ai lu quelques textes et on sent qu'il y a une dimension spirituelle dans ces textes-là. Moi, c'est le ressenti que j'avais dans ce texte-là. Il y a un mélange de dimension spirituelle et de questionnements sociaux. Oui, moi ce que j'ai aussi lu des choses il y a très longtemps, quelques fragments peut-être des cartes et je ne connais pas bien, mais moi, je me souviens en tout cas de ce qui était à l'époque une position un peu révolutionnaire par rapport à l'Église, de dire que Dieu est en nous, quoi. C'est ça, ce truc-là qui est celui de tous les mystiques en fait. Et donc Dieu n'est pas au-dessus mais à l'intérieur, quoi, et que ce qu'on a de plus intime est en même temps ce qui est de plus universel, quoi. C'est un peu ça que je crois que l'âme d'avoir reprend aussi. Après, je trouve qu'il forge aussi vraiment son langage à lui, et qui est effectivement assez loin des langues de bois révolutionnaires qu'on avait déjà pas mal à cette époque-là aussi, quand on lit d'autres auteurs. Oui. Tu as dit qu'il avait été assassiné en fusil. Ouais. Il avait quel âge? Il est né en 70 et c'était en 19, donc ça fait quoi? 49 ans. 49 ans, ouais. 68. Oui, 68. J'ai entendu 68. Non, mais ici, il est né en 1870. Et en 1919. Oui. C'est pour ça, j'imagine. Oui, par rapport à la religion, cette compréhension spirituelle de Dieu et d'homme, il a aussi une forte interprétation de Tolstoï. Et j'aime beaucoup une autre œuvre qu'il a écrite qui s'appelle La Révolution, quelques années auparavant, où il découvre. Via une. Oui, ça s'est traduit aussi en tant que livre, et plus facile à appréhender et à se procurer aussi. Et ça, c'est une redécouverte d'Étienne de la Poitiers et sa modèle de révolution aussi, Étienne de la Poitiers. Et tandis que. Appel au socialisme, c'est plutôt une sorte de sortir, là je trouve, cette vision de colonie, c'est mis auparavant que jadis dans dans la révolution, le modèle de Boissy avec le refus d'obéir obéissance, on retire un peu la base c'est une autre façon de changer la société. Mais je pense qu'il faut dire aussi un peu, au-delà de sa théorie, que je trouve très comprenante, qu'il y avait aussi une pratique et aussi une multiplication des intérêts de Landauer. Par exemple, il est toujours resté en ville, sauf ses premières expériences avant qu'il ait allé à Londres, mais ça c'était dans une communauté vraiment comme il a conçu là, mais ça c'était seulement quelques mois. Sinon, il est toujours resté en ville. Par exemple, il a cofondé un théâtre, le théâtre de peuple à Berlin. Ça c'était toujours un intérêt de lui, c'était l'art, le théâtre. Et il y avait aussi une philosophie de redécouverte, la philosophie juive. Ça, il s'est impliqué aussi avec les œuvres de Martin Buber. Et toutes les expérimentations des colonies qui se sont réalisées au nom de Landauer, c'était après sa mort. À côté de mouvement anarcho-syndicaliste, il y avait un côté des travailleurs qui sont sortis des usines dans les années 20, qui ont fondé une communauté nommée d'après Landauer auprès de Düsseldorf, où par exemple sur Martin Buber, Landauer a eu beaucoup d'influence sur la création des kibbutzim en Israël. Là, il y avait sa vraie implémentation pratique. Oui. Sinon, dans ça. Ce qui est la preuve que malheureusement, il se trompe en disant Il suffirait que dans un pays, il y en ait un peu partout pour que ça change tout le peuple, puisque c'est pas ce qui s'est passé en Israël. Mais le problème de sa pratique, c'était que lui, lui-même, il n'a pas réellement fait le premier pas. Lui, il n'est pas allé dans une colonie pour s'installer là. Oui, il a conçu ça comme un mouvement, un rassemblement. Et il a fait, par exemple, une sorte d'avancée en phase. Et la première phase, très très longtemps, c'est un rassemblement de ceux qui voulaient, par l'esprit, sortir de cette société industrielle capitaliste des villes. Mais il voulait d'abord faire une propagande pour cette conception-là. Avec les journaux, le socialiste, c'était son journal, et des choses comme ça. Et il y avait à peu près un mouvement, et il y avait une organisation qui s'appelle la Fédération Socialiste, et il y avait à peu près une trentaine de groupes, mais aucune de ces trentaines de groupes dans différentes villes, ils ont réussi à mettre en œuvre une colonie pratique. Il y avait toujours des déchirements dans ces groupes-là avant qu'ils aient pu implémenter ce truc-là. Et là, il y a aussi une sorte de, je le répète parce que je l'aime bien, une sorte d'autoritarisme chez Landauer aussi. Il y avait un élargissement de ce mouvement en Suisse, par exemple. Il y avait la première femme du mouvement syndicaliste qui se ralliait à Landauer, c'était Margarete Fass-Heidegger. Avec elle, il a eu aussi une liaison amoureuse en dehors de sa propre mariage. Tandis que Landauer, théoriquement, il a propagé le mariage. Le mariage entre hommes et femmes, c'était le premier nucleus, le premier cœur de ce qu'il appelait fédération. Il voulait bâtir une société qu'il appelait fédération des fédérations des fédérations des fédérations. Mais la première fédération, c'était le mariage entre hommes et femmes. Donc il était contre la conception de l'amour libre. Tandis que il a pratiqué l'amour libre avec Margarete Fass-Heidegger. Heureusement qu'il n'était pas à l'abri des contradictions. Il y avait une dispute entre lui, Fass-Heidegger, et Husserl, par exemple. Et Fass-Heidegger, normalement, elle était destinée à faire la rédaction de socialiste. Mais à cause de ces divergences sur cette question, il a repris la rédaction de socialiste et l'a fait lui-même. Ça, c'était un peu son problème. Il était un grand intellectuel, mais il a eu aussi un grand ego. Il était égocentrique. Et il est un peu devenu sectaire avec ça. C'est pas vraiment un mouvement qui a attiré de plus en plus en plus des gens. Et pourquoi il est vraiment devenu célèbre et les gens aujourd'hui lisent ses écrits? C'est sa participation dans la République des Conseils à Bavière. Parce qu'il se jetait dans la lutte des conseils des ouvriers, parce qu'il a tenté dans les villes, au contraire de ce qu'il a, un peu au contraire de ce qu'il a propagé, et puis il était assassiné. Il était devenu tellement célèbre que les gens après ont eu un retour de ses écrits. Mais avant, il était assez isolé. Oui, c'est intéressant de nuancer les choses comme ça. Oui. Ben voilà, moi je le lis pas non plus ici pour dire voilà la solution, quoi. C'est juste, voilà une des étoiles que peut-être qui nous donne un peu de lumière et une direction, quoi. Le plus marquant et le plus intéressant, c'est dans la première partie du texte, au contraire, où il ne se lance pas dans une espèce de notion de communauté, ça ne m'adhère pas du tout. Mais où il explique bien que l'État, la vraie prison État, elle est intégrée en fait, elle est en nous, et que le premier pas à faire, c'est se libérer de ça. ce qui me paraît le plus intéressant, dans la mesure où effectivement il y a des gens qui le font maintenant, aujourd'hui, et les trucs de Notre-Dame-des-Landes, ça fonctionne aussi dans ce raisonnement, c'est des gens qui ont la capacité à se dire, voilà, je le fais en association ponctuelle avec des gens, à des lieux, à des moments donnés, ça mérite d'être fait. Mais c'est pas non plus l'utopie de la communauté, on sait que ça marchera pas, quoi. Mais ponctuellement, c'est efficace et ça marche. Et les gens apprennent beaucoup les uns des autres en restant libres et autonomes. Ça me paraît plus intéressant que tout ce qui vient après, quoi. Mais ce qui mérite, ça a été mieux expliqué, quoi, ce que j'essaie de dire là par monsieur. Mais c'est des choses qui ont eu lieu, qui ont eu lieu jusqu'à récemment. On a des parents qui ont fait ça, des grands-parents. Quand il parle de communes, ce qui a revivifié au 19e siècle l'idée de commune en tant que commune révolutionnaire, c'est la commune de Paris. Donc c'est quelque chose tout à fait d'une autre échelle que la communauté qu'on imagine, la petite secte ou quoi. Et donc son idée de commune, elle est peut-être un peu entre les deux, mais la commune, c'est pas la communauté, quoi. C'est quelque chose quand même de plus large et de plus ouvert. Et c'est ça qui essaye aussi de se créer aujourd'hui. Mais aussi sur ce que tu disais au début, de se libérer de l'État, ce que je trouve fort aussi, ce qu'il en dit, c'est on ne s'en libère pas en voulant le rejeter parce que c'est illusoire, mais en entrant dans d'autres relations, quoi. C'est-à-dire, et voilà, ça ne nécessite pas de nier aussi tous les gens qui à l'intérieur de l'État œuvrent pour le bien commun, parce qu'ils sont nombreux, et que voilà, je veux dire, moi-même, j'ai quand même reçu de l'argent de l'État régulièrement dans ma vie, sous différentes formes, et d'autres aides aussi. Et voilà, ce qui dessine, c'est plus un chemin de dire, voilà, si on veut se défaire de cette forme-là, il faut inventer des formes plus vivantes d'être ensemble, et l'État disparaîtra quand on n'en aura plus besoin, quoi. Voilà. Étonnant aussi sa connaissance de Proudhon, quand même. J'étais étonnée d'entendre tout ce qu'il dit sur les théories de Proudhon. Oui, enfin, je sais pas, c'était quand même. Ça devait être traduit en allemand, puis diffusé. Il a traduit Proudhon. Lui-même aussi, oui. Quelques trucs pour la première fois, non ? Oui, il était quand même connu, Proudhon. Tout le mouvement anarchiste est quand même un des pères fondateurs, quoi. Et qu'il y avait la même notion de l'Ersagine aussi, comme cœur de la communauté. Oui, bon, après, c'était pire, Proudhon. Il y a un bouquin qui s'appelle Proudhon, oui et non, parce qu'on sait très bien qu'il avait des positions très... Il a des écrits très misogynes, surtout. Oui. Voire des fois des écrits aussi antisémites. Mais par contre, bon, il y a toute l'analyse de la propriété, enfin, du capitalisme qui est intéressante et qui est toujours valable. Oui, et après, il faut savoir à qui on a affaire. Hein. Quand il y a des personnages comme ça, il ne faut pas les encenser. Ah bah oui, il faut diffuser les bons textes, les mauvais, et savoir à qui on a affaire. Ni Dieu ni maître. Par contre, là, est-ce qu'on sent... Bon, je ne sais pas si tu sais, ou Renard, qu'est-ce qu'il a fait exactement pendant la révolution des conseils de Bavière, parce que là, je viens de regarder, visiblement, ça a duré même pas une semaine, quoi, sa participation, parce qu'il y a eu une deuxième république qui était plutôt dominée par les communistes, et à laquelle il s'éloignait, mais est-ce qu'on sait que pendant une semaine, ce qu'il a fait, quel était son rôle, est-ce qu'il a essayé de prendre de faire avancer les choses? Moi, ce que je sais aussi, c'est que il est arrivé en novembre 18, sur appel de Eisner, qui était donc élu président d'une première république des conseils, mais qui était encore une chose assez légaliste, enfin, Eisner était un socialiste venu du SPD, etc. Et il n'était pas, il n'est pas, il n'a pas été appelé pour entrer dans un gouvernement à la base, mais juste pour faire œuvre de propagande et faire des conférences, etc. Donc il y a eu toute une phase de son activité qui était celle-là pendant plusieurs mois. Et puis effectivement, ce premier mouvement, premier gouvernement a été renversé par un gouvernement plus révolutionnaire où pendant une semaine, il avait un poste un peu branlant, où il a fait un décret qui n'a jamais été appliqué. Et puis très vite renversé par effectivement des gens plus léninistes qui ensuite se sont fait renverser à leur tour par les fascistes deux semaines plus tard. Quoi. Donc, c'était mal parti de toute façon. Maintenant, c'est ça, Eisner, ça c'était pas dans la République des Conseils. Eisner, c'était le premier président de la Bavière après la chute de monarchie. Ah voilà, ok, c'était pas la République des Conseils. C'était un ami de Landauer, et lui a appelé parce qu'il n'était pas à Munich du tout. Et Eisner voulait faire une sorte, à l'époque, installer un équilibre entre des conseils qui existaient déjà et le Parlement. Mais il était assassiné avant par les réactionnaires, avant la première République des Conseils. Ah oui. Et le premier était République des Conseils des anarchistes, avec Landauer, Mühsam et ces conseils-là, notamment aussi des artistes. Et deuxième, trois semaines, c'était la nouvelle-née Parti communiste qui a pris le relève pour la deuxième République des Conseils. Et Landauer, il était dans la première République des Conseils, il était délégué pour l'éducation, pour les écoles et pour les universités. Donc, il ne pouvait pas faire grand-chose, mais il était à l'université et il a proposé un concept de renverser tous les enseignants et des choses comme ça qui venaient de l'aristocratie et des choses comme ça. Et là, il était hué et complètement rejeté par les étudiants réactionnaires. Ça, c'était sa pratique-là. Et à cette époque-là, même quand il toujours a pensé qu'il était non-violent, il a soutenu dans les conseils-là, dans une situation de menace aussi, il faut le dire, la prise d'otage. La première République des Conseils, ils ont pris quelques otages parce qu'ils ont été menacés de l'armée des sociodémocrates en dehors de la Bavière. Ils voulaient se sécuriser ça, mais Landauer a toujours, comme Toller, a toujours ne pas voulu les tuer. En fait, après, la deuxième partie de République des Conseils, menée par les communistes, Landauer ne faisait pas partie, et les communistes, ils ont tué les otages. Et cette idée de conseil, c'est né spontanément pendant dès la révolution en Russie de 1905, mais est-ce que Landauer l'avait théorisé? Ou est-ce que les théories sur les conseils, c'est plutôt après les Hollandais comme Pannekoek? Mais est-ce que déjà, là, il y a des textes qui parlent de l'idée de conseil où il a été devant le fait accompli, il y a des conseils qui sont arrivés, et puis Landauer a suivi le mouvement, quoi. Non, il n'a pas théorisé ça. Ouais. Ils sont été en existence, on peut dire, de très court temps aussi, après la chute de la monarchie. Et puis, ils se sont fondés, soit des soldats qui sont rentrés, soit des paysans, soit des ouvriers. Et là, c'était un vrai mouvement. C'était pas seulement à Munich, c'était dans les petites villes, même dans les villages. Moi, je suis grandi en Bavière, dans un village de 500 personnes, et il existe des documents que le conseil de ce village a envoyé à Munich pendant la République des Conseils, que nous aussi, on a créé un conseil et on a fixé, par exemple, les terres ne doivent plus être un propriétaire plus grand que 100 mètres en carré ou des choses comme ça. Ça, c'était envoyé là. Donc ça, c'était un vrai mouvement des villes et des villages en Bavière. C'était un vrai vague, on peut dire. Mais c'était créé spontané. Mais bon, la mérite de Landauer, c'était de se jeter dedans, de regarder ce qui est là et d'essayer de faire avec. S'il y en a qui ont envie de recevoir ces extraits de textes tels que je les ai composés, vous pouvez me donner votre adresse mail, mettre une feuille et je vous les envoie. Ils sont donc traduction que j'ai un peu revue par rapport à celle que j'avais trouvée. Parce que rien que le titre, là, vous avez vu, là, ça s'appelle « Un appel en faveur du socialisme », ce qui est quand même moins cash comme titre que « Appel au socialisme » que j'ai remis, parce que c'est vraiment ça. On continue la discussion autour d'un verre. Ouais, voilà, merci Thiel, merci à vous d'être venus. De votre écoute très attentive, je crois que ça n'a jamais été aussi calme, mais je vous ai regardé, personne n'a dormi. Et on se retrouve à côté. Si vous voulez des renseignements sur Syrah, sur la librairie, sur tout ce que vous voulez, venez nous voir. Il explique aussi quelque chose de spirituel. Donc on retrouve énormément sur l'esprit dans le texte.